Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arved Barin, chapitre 11, de la réception des quatre frères, de l'ardente charité qui régnait entre les premiers frères, de leur souci de travailler, et de prier, de leur parfaite obéissance. Les hommes, voyant que les frères se réjouissaient dans leur tribulation, qu'ils se livraient à la prière avec ferveur et dévotion, qu'ils n'avaient pas d'argent et n'en acceptaient point, qu'ils étaient animés les uns pour les autres d'une grande charité, reconnurent qu'ils étaient véritablement disciples du Seigneur, et beaucoup, touchés dans leur cœur, vinrent leur demander pardon des offenses qu'ils leur avaient faites. Quelques-uns aussi priaient les frères de les recevoir dans leur société. Et comme tous les six avaient obtenu de François, à cause du petit nombre des frères, le pouvoir d'en admettre de nouveau, ils les prirent avec eux. Et le terme du voyage étant arrivé, tous revinrent à Sainte-Marie de la Portioncule avec ceux qu'ils avaient ainsi admis. Quand ils se revirent, ils éprouvèrent tant de joie et d'allégresse, qu'ils ne se rappelaient plus ce qu'ils avaient souffert des méchants. Ils avaient soin de prier tous les jours, et de travailler de leurs mains afin d'éviter l'oisiveté, qui est l'ennemi de l'âme. Ils se levaient dans la nuit pour prier pieusement avec beaucoup de soupirs et de pleurs. Ils s'aimaient entre eux d'une grande amitié. Ils se servaient et se nourrissaient l'un l'autre, comme une mère nourrit son enfant chéri. Ils brûlaient d'une si ardente charité qu'il leur paraissait facile de livrer leur corps à la mort, non seulement pour l'amour du Christ, mais aussi pour le salut de l'âme ou du corps de leurs compagnons. Un jour que deux frères étaient sortis ensemble, ils rencontrèrent un fou qui se mit à leur jeter des pierres. L'un d'eux, voyant que son compagnon allait être atteint par les pierres, se jeta à au-devant, désirant être blessé à la place de son frère, à cause de la charité mutuelle dont ils étaient enflammés. C'est ainsi qu'ils étaient toujours prêts à exposer leur vie l'un pour l'autre. Ils étaient si profondément pénétrés de charité et d'humilité, que chacun était révéré par les autres comme père et seigneur, et ceux qui l'emportaient par leur fonction ou par quelque avantage spécial se faisaient plus humbles et moindres que les autres. Tous offraient à l'obéissance, toujours prêts à se conformer aux ordres qui leur étaient donnés. Ils ne distinguaient point les commandements justes et injustes. Ils pensaient que tout ce qui leur était ordonné était selon la volonté de Dieu. Aussi leur était-il facile et doux d'obéir. Ils fuyaient tout désir charnel, se surveillant soigneusement et prenant bien garde de ne pas s'offenser mutuellement. S'il arrivait à l'un d'eux de dire à un autre quelque parole qui pût le troubler, il éprouvait des remords en sa conscience, et il n'avait point de repos qu'il n'eût dit sa culpe, et ne se fût prosterné humblement en priant son frère de lui mettre le pied sur la tête. Si le frère offensé refusait, et si l'offenseur était son supérieur, il lui commandait de lui mettre le pied sur la tête. S'il ne l'était point, il le lui faisait ordonner par un supérieur. Il s'étudiait ainsi à éviter toute rancune et toute méchanceté, et à faire régner entre eux une affection parfaite, s'efforçant de toujours opposer une vertu à un vice, soutenu et aidé en cela par la grâce de Jésus-Christ. Ils ne gardaient rien en propre, ils se servaient en commun des livres et de toutes les autres choses, conformément à la règle transmise et conservée depuis les apôtres. Quand ils rencontraient sur leur chemin des pauvres qui leur demandaient l'aumône pour l'amour de Dieu, s'ils n'avaient rien à leur donner, ils distribuaient une partie de leurs misérables vêtements, tantôt le capuchon, tantôt quelque autre morceau qu'ils décousaient de la tunique, afin d'accomplir ce précepte de l'Évangile. Donne à quiconque te demandera. Un jour, un pauvre vint demander l'aumône à l'église Sainte-Marie de la Portioncule, près de laquelle les frères demeuraient quelquefois. Il y avait là un manteau qui avait appartenu à un frère quand il était encore dans le siècle. Le bienheureux François dit à ce frère de donner ce manteau au pauvre, ce qu'il fit très volontiers et très promptement. Aussitôt il vit qu'à cause de la pieuse et prompte obéissance du frère, cette aumône la montait jusqu'au ciel, et il se sentit inondé d'une joie nouvelle. Lorsque des riches de ce monde descendaient vers eux, ils les accueillaient avec bonté et allégresse, s'efforçant de les arracher au mal et de les amener à la pénitence. Ils demandaient avec instance de n'être pas envoyés dans les régions d'où ils étaient originaires, afin d'éviter toute familiarité et toute relation avec leurs proches, et pour accomplir la parole du prophète. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, les fils de ma mère ne me connaissent plus. » Ils se réjouissaient de la pauvreté, parce qu'ils ne convoitaient pas les richesses, et méprisaient toutes les choses périssables, convoitées par ceux qui aiment ce monde. Ils foulaient aux pieds l'argent comme une vile poussière, et ils avaient été instruits par le bienheureux François à le considérer comme n'ayant pas plus de valeur que les excréments d'un âne. Ils étaient heureux dans l'amour du Seigneur, n'ayant jamais rien qui pût les attrister. Plus ils étaient séparés du monde, plus ils étaient unis au Seigneur, ils marchaient dans le chemin de la croix et dans les sentiers de la justice, ils enlevaient les obstacles sur la route étroite de la pénitence et de l'observance évangélique, afin de la rendre plus unie et plus facile à ceux qui viendraient après eux. Mark M. Dan, Archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.